Les autres. Salut, t'écoutes Lapsus et c'est Karine. Aujourd'hui, de quoi je vais te parler ? Je vais te parler de la colère. Un sentiment qu'on connaît tous. Mais je me suis penchée dessus parce que je me suis dit, est-ce qu'on la connaît vraiment ? Est-ce qu'on sait vraiment à quoi ça sert et pourquoi il intervient si souvent dans notre vie ? T'es prêt ? Alors, je me suis pris la tête un petit peu pour savoir le pourquoi du comment. Alors, grand 1, petit 1. Non, je déconne. En fait, elle est utile. Ta colère est toujours utile. C'est juste à toi de savoir la canaliser pour qu'elle te serve et pas qu'elle te desserve. J'ai découvert le plaisir de ce que je vais appeler la double peine. Tu prends un peu cher quand tu rencontres l'élément perturbateur, qu'on va appeler comme ça. Et après, il y a la phase de reconstruction, où tu as l'impression que ton cerveau te fait revivre encore et encore la situation, qu'elle la trouve partout pour t'y faire repenser tout le temps, et que tant que tu n'auras pas tiré une conclusion logique, cohérente pour fermer le bouquin, tu seras toujours dans la boucle en fait. Et moi j'appelle ça la double peine parce que t'as l'impression de toujours être dedans quoi. Voilà ce qui s'est donc passé une fois que la colère est partie. C'est bien plus difficile que la peinture à l'huile. Il m'a fallu 50 ans pour y arriver. 50 ans ? Vous êtes encore plus fort que je le croyais. Vous êtes Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Aime-toi. Ouais, pour de vrai. Et non, voilà, vas-y. Tu dis non. Ah, je sais pourquoi. Ça y est, je sais. Je sais quand est-ce que ça a commencé. Attends, je te retrouve le truc. Le voilà, il est là-bas. Hop. Me revoilà. Tu vas rire. Quand est-ce que ça a commencé ce moment où j'ai percuté qu'il fallait que, bah, putain, que je dise non ? Eh bien, à Noël, ma petite sœur m'a offert un cadeau, ridicule, mais qui est excellent. C'est un buzzer. Elle m'a offert un buzzer, et attends, je te le fais, voilà, j'appuie. Non. Elle m'a offert un buzzer à non, et elle m'a dit... Il va vraiment falloir que t'apprennes à t'en servir. Elle est rigolote, mais je pense qu'elle avait un peu tout compris. Voilà, donc... Bon, on va se quitter là-dessus. Allez. Salut. Pour la dernière fois, non. À bientôt.